Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Black M. Et c'est déjà la dernière de la semaine. Bienvenue à vous tous. Comment ça va, Black M? Bonsoir à tous. En pleine forme, avant de repartir sur les différentes routes de France ce soir à Clermont-Ferrand et puis une grosse tournée. Yes. On vous filera les dates tout à l'heure. Et ce soir à Clermont-Ferrand. Pour aller voir Black M près de chez vous. Grosse soirée aussi de prévu avec beaucoup de monde ce soir. Il y a du monde. On va saluer les Chines et Caillou au grand complet qui sont là. Là, on vous entend pas, on les gars. On vous entend pas, les gars. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, ah. Voilà, tout le monde dit. Oh, oh, ah. Exactement. Oh, oh, ah. Exactement, t'as compris le truc. Charlie Belle à vos côtés aussi, Charlie qu'on peut Belle, saluer. La belle Charlie Belle. Salut. Ça va avec un morceau d'ailleurs sur la réédition de. Ouais, ouais. Et un morceau sur la réédition avec Charlie. C'est ton fan. Un délire. Tu vas écouter tout à l'heure. On a mis un tout petit extra en début de semaine dans le, ouais, dans le medley. Yes. Gyrochrome de la Vendetta. Monsieur Gyrochrome de la Vendetta. Bonsoir. Ça va bien, JR? Ça va, et toi, Fred? Venu apporter pour ce dernier soir de la semaine de la force, voilà, pour la sortie lundi dans les bacs. Parce que The Heart, faut savoir que The Heart, c'est à côté. Tout le monde dit The Heart, mais personne sait c'est où The Heart. The Heart, c'est juste à côté Skyrock, cousin. Oui, là, ton quartier. Voilà. C'est mon quartier. Là, voilà, c'est juste à côté. Voilà, j'étais avec mes gars, j'étais avec mes potos à côté, je me suis dit bon. Donc tu ne pouvais ne pas passer. Je passais donner de la sephore à mon gars sûr. C'est même pas de la sephore en vérité, c'est mon gars, c'est comme mon refrain, donc en vrai, je me devais de passer pour voir ce qui se passe. Ça, ça fait plaisir. Et bah, tu as bien raison. JR, tout va bien pour toi, la Vendetta se porte bien? Ça va très bien, là, il y a Domain parce qu'il est en studio, là, il est en train de faire du sale. Mm-hmm. Il est en train de découper des instrus, gros. Même là, j'ai envie de. Je suis pressé de finir l'émission pour aller en. Pour retourner en studio là. Bon, on va quand même passer une heure ensemble, tu vas rester avec nous. Ouais, bah merci. Pressé d'entendre. Il paraît qu'il y aura un live ce soir, un freestyle avec l'équipe du Watibé qui est là présent. Ouais, c'est possible. Pareil, là, je sais pas là. Toi, tu franchement, te mettras peut-être si en retrait. Possible, mais... DJ HQ, il va pérer, ça se trouve. Mais... En ce moment, on me dit que je suis trop violent en ce moment, donc je sais pas, je pense qu'ils sont pas prêts à écouter ce que. Ce que je suis en train de produire sur feuille, donc je vais laisser les petits frères kicker comme Aboutal, yeah, et Dadju et Charlie peut-être. Aïe. Et Charlie un 16, la petite Charlie. Je vais voir. C'est pas Charlie, c'est la petite Charlie. Vous négligez Charlie, non, vous avez pas du tout. Jamais. La réédition, elle a jamais. Un 16. Hein. Elle a un 16. Écoute, viens, on présente. Parce qu'il y a du monde encore à présenter. Oui, vas-y. Et DJ HQ, il est là tous les soirs. HQ, tout va bien. Je tiens à rappeler qu'il est mon gars sûr, il est là tous les soirs. Ensuite, je sais pas si tu connais Stan E. Mon gars Stan E. Il est là aussi. Le gars qui nous fait nos instrus. Mm-hmm. Et que j'ai invité sur mon morceau Tout le monde me connaît. En featuring avec Abou de Beng aussi. Abou de Beng qui est là, qu'on salue. Il est là aussi dans les, parages. Abou de Beng est là en personne. Stan E, je tiens à le présenter. Parce que déjà, il est sur l'album de Masca, sur le morceau. C'est vrai. Comment il s'appelle? Tout le mal. Tu veux dire un petit mot? On l'entend, non, d'ailleurs, on l'entend sur le morceau, on l'avait présenté pendant le Planète Rap de Masca. Voilà, bah, lui c'est le gars qui est à la prod et là. Et à la voix, et qui donne de la voix aussi. Qui donne de la voix, et là il se lance, il va bientôt balancer son projet, bientôt dans l'année 2015. Donc je me devais de l'inviter. Et bah, très bien, donc on a fait les présentations. On va pouvoir attaquer et revivre d'ailleurs cette semaine avec Black M, avec le replay de la semaine entièrement. Il s'est passé tellement de choses durant cette semaine de Black M. Voilà. Écoutez ou réécoutez tout de suite. Yes. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Comment ça va, Black M? Bien. En pleine forme. Pour l'album La Réédition, l'album de l'année, l'album de Black M qui va désormais s'appeler Le Monde Plus Gros Que Mes Yeux. Yes. Après avoir découvert Les Yeux Plus Gros Que Le Monde. Ouais. La suite. C'est le titre à l'envers. Voilà, c'est le titre à l'envers. Skyrock. Yeah. On se fait du mal. Arrêtez. On se fait du mal. Planète Rap. On va faire un petit vrai faux si tu veux bien, Black M. Vas-y. Tout ce qu'on voit sur le net, tout ce qu'on lit, les vrais, les faux. C'est un petit extrait, ce son. Wesh Fred, dis-moi à quand mon planète. Votre playlist n'est pas net. Shady va tous vous calmer. Je sais que vous allez encore jacter. Je le sens d'ici. Et d'ailleurs, tu le dis dans un morceau, ne me posez pas de questions. ami journaliste, ami des médias, mais évidemment, ça va être la première question. Est-ce que tout ce que tu dis dans ce morceau est vrai? Je cherche, moi, On sait jamais, parce qu'en fait, c'est mon double maléfique. Oui, mais ça, justement, c'est. On ne sait jamais s'il dit la vérité. C'est l'alter ego. Ou s'il ne dit pas la vérité. Il balance tout un tas de saloperies sur Black M, sur Watibé, et là, il s'en est pris un peu légèrement. Ah bah, moi, j'ai pris, mais. Attends, t'as pris un peu aussi. Ouais, j'ai pas pris. Au game. C'est pas méchant. Rien de bien craint. Je suis un clou. Je souffre, je suis un clou. Yeah, yeah, je souffre. Souriez, souriez, je garde le sourire. Yeah, yeah, yeah, yeah. Black M sur Skyrock. Je garde le sourire. Yeah, le 17 novembre dans les bars. Motherfucking yeah. Je garde le sourire. Est-ce que tu vas annoncer tout de suite une surprise ou pas qui vient d'arriver dans ce sujet? J'ai une petite surprise. Une petite surprise. Un figurant dans un clip. Un figurant très connu, on va dire. Très connu, mondialement connu. Un gars sûr. Très fier d'être ici pour représenter le poteau Black M. Aïe! Est-ce que vous l'avez reconnu? J'ai fondé une école de Michael Jacksonage il y a quelques mois. Voilà. Grâce à ton peu clip, poteau. Bah, c'est grillé. Kevin Adams, Skyrock. Yeah. Ça va bien? Bah, ça va très bien. En forme? Très heureux d'être ici. C'est rare dans la musique que les chanteurs ils se créent des personnages. Tu vois, c'est plus un truc d'acteur ou d'humoriste. Et je trouve ça mortel de créer un personnage comme le Ying et le Yang de toi-même. Le gars connaît. Ouais. Non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Barouchko. Et vos gosses me kiffent, Madame Barouchko. Oui, Madame Barouchko. J'ai toujours autant d'inspire, Madame Barouchko. C'est pour mes gars, oui, Madame Barouchko. Si vous voulez, on tweet, Madame Barouchko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le Planet Rap. Mais là, c'est le festival de Cannes. Que de surprises. Mon gars sûr, Maître Gims est là avec nous. Comment ça va, Gims? Ça va. Moi, je lui ai dit clairement que bon, c'est pas une réédition. Ça, c'est un nouvel album que t'as fait. Il a été certifié la double disque de platine. C'est des choses qu'on s'était vendues, j'ai envie de dire. Il y a 10 ans, tu vois. On s'était vendu le rêve de Section d'Assaut. On a pu le faire avec. Que ce soit avec la terre du milieu, le renouveau, l'écrasement de tête, l'école des points vitaux, l'apogée, on n'a pas réalisé tout ce qui se passait en fait. Est-ce que je dois profiter de ma life, bien avant que ma vie s'écoule, dormir, sortir, que faire de ma naïf, soit je m'isole, soit je deviens fou, tu veux tout de suite, espoir tes outils, c'est une course poursuite, moi je m'épuise. Planet Breath. Allô, Los Angeles. Yo, what's up, Skyrock? Hello, monsieur Omar. Omar Sy est là avec nous. Ça va, Omar? Ça va ou quoi, les gars? Écoute, ça me fait plaisir, moi, de vous avoir au téléphone, surtout pour le panorama de Planet Rap de Black M. Merci. C'est les petits frelons, j'aime bien toute l'équipe. Mais Black M, c'est vrai, on a un petit truc en particulier, c'est qu'on parle le même dialecte. Planet j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais, ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye, c'est tout moi. C'est tout moi. Planet Rap, Skyrock. Voilà, c'était une belle semaine et c'est pas fini, hein. Il reste encore quelques minutes à passer ensemble avec Black M. Yes. Avant de partir, je le disais, Clermont-Ferrand ce soir, le 20 novembre à Montpellier, 21 à Marseille. Tu seras d'ailleurs lundi pour la sortie aussi, on l'a pas dit, mais ouais, voilà, à très partir petit, de 16h à la Wattie Boutique, 29 rue de la Ferronnerie, venez nombreux. Et le 21 novembre à la Wattie Boutique de Marseille, à 15h, juste avant le concert au Dôme. Yes. On fait pas les OOA d'Adjou. Ah ouais, non mais. OOA. On l'a refait. On était au 21 novembre Marseille. Oh, oh, ah. 22 novembre à Toulouse. Oh, oh, ah. 23 novembre en Suisse. Oh, oh, ah. Alors attention, celui-ci, parce que la date est déjà blindée, donc là il va falloir booster. Là. C'est le 30 novembre à Brive complet. Oh, oh, ah. 4 décembre à Paris. Il paraît que ça va être assez hallucinant aussi à Paris. Oh, oh, ah. C'est tout? Non, gros. Oh, c'est Paris, là. Ça va être encore plus haut. Voilà, et le lendemain à Amiens. Oh, oh, ah. Oh, galère. Je passe aux Amiénois, qui attendez, vous serez pas crevés, ça va? Non, ça va. Non. Hey, là où c'est chaud, normalement, les OOA, ils doivent être chaudards, poteau. Et comme c'est chaud partout, man. 19 décembre, faire des OOA lourds. Oh, oh, ah. 20 décembre au Mans. Et attention, dernière date pour 2014, 21 décembre à Amnéville. Oh, ah. Ce sera avant le réveillon. 10 jours avant le réveillon. Le feu.

C'est Black Shady partie 3. On l'a parmi là depuis un petit moment d'ailleurs. Il est bon. Si tu veux, on le repasse quand peut-être, tu veux. Peut-être qu'on peut, on peut le préparer, je sais pas ce que tu as. Je le réécouterai bien celui-là. Comme tu veux. Il faut demander s'il a sens. Avant, j'aimerais remettre On se fait du mal quand même. Ah ouais, On se fait du mal. Ça, c'est un morceau, on a pu le découvrir lundi. C'est mon préféré, celui-là. Gros morceau, tu l'as entendu celui-ci aussi, JR? Ouais, je l'ai écouté, ouais. Mais peut-être n'as-tu pas vu la chorégraphie qui va avec? Si, je. Gros, même si on n'est pas au Planet Rap, t'inquiète, on suit nos gars, on regarde des vidéos, t'inquiète. C'est-à-dire que l'esprit, il est là. Mon esprit, là, l'ombre de Girochrome, elle était dans le studio. Et bah là, tu es là par contre. Bien présent dans ce studio. Le cœur y est. C'est ce que je voulais et là, dire. Le cœur y est. T'inquiète pas. Ce soir entre 20 et 21. Alors on repart sur quoi? Le Black Shady. On se fait du mal. On se fait du mal, ouais. Et après Black Shady. Vas-y. Allez, c'est parti. J'aurais aimé te rendre la monnaie. Gêné, je pense à tout ce que tu m'as donné. Ces moments durs où tu m'as épaulé. J'étais pas le seul, t'étais à mes côtés. Personne m'entendait, toi tu m'écoutais. La suite fait mal, je me tais, tu la connais. Fallait que tu saches que je suis dégoûté. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. À bout des bagues à la Corée. Ah, on se fait du mal, ma chérie. Je suis désolé, j'avoue ton cœur je l'ai cambriolé. Je sais que ton intimité s'est fait violer et que je n'ai pas su te consoler. Je t'aime tellement je pourrais te dévorer, mais dans ta vie je ne sers qu'à décorer. Le silence nous a éloignés, les cris de nos disputes peuvent en témoigner. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Dédicace à mon gars, ma belle, on se fait du mal. Yeah! On se fait du mal. Mon gars, Jassim Balbal. Tire! HD Amox, le Wolf. On se fait du mal. Le 17 novembre dans les bacs, hier. Yeah. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez. On se fait du mal à l'instant avec une chorégraphie signée à bout de bang. Alors, signée à bout de bang et le Hey Group. Je tiens à rassurer tout le monde. Pour ceux qui sont sur la tournée à bout de bang, il sera aussi la tournée de Black M. Il va mieux. Il va beaucoup mieux. Ouais, il a plus mal au dos. Franchement, j'ai presque plus mal au dos. Sauf tout à l'heure, j'ai fait un petit entraînement avec le H de guerre. Donc, il m'a un peu relancé la douleur. Mais ça va, je suis en pleine forme. Ah, bah là, en grande chance. Je voulais faire une petite dédicace. Un petit du 9e là qu'on connaît très bien qui s'appelle Amox aussi, qui est passé soir. Ça, c'est des petits qui nous ont regardés depuis qu'on a commencé, depuis le début. La terre du milieu, il connaît très très bien. Amox, viens dire un petit mot s'il te plaît. Viens dire bonsoir. Il est où Amox? Il est pas là, Mox. Ok, il est sorti. Il est sorti. Je voulais faire une grosse dédicace à ces petits-là qui nous suivent depuis le début, qui sont en train de rapper, qui eux-mêmes sont en train de suivre le même parcours que nous. Le worst. Voilà. On souhaite autant de succès aussi. Voilà, pour tous ceux qui arrivent par la suite. Ce soir, c'est la dernière de la semaine avant de te laisser repartir, Black M. Yes. Entre 20h et 21h. La dernière. On rappelle que dans l'album, alors je ne l'ai pas dit de la semaine, je ne vais pas le dire ce soir non plus, il y a dans l'album. Le titre du deuxième album solo. Du Big Black M, deuxième album solo. Tu nous as dit que t'étais en train de bosser dessus. Ouais. Je bosse depuis longtemps dessus. Donc ça, c'est le futur pour toi. Exact. Le futur qui arrive. D'ailleurs, on va faire un petit quiz futur ce soir pour cette dernière. Alors, par exemple, on va se replonger. Alors là, la première question pose plutôt sur le passé. La première fois où t'as commencé à rapper, dans le futur, à cette époque-là, tu te voyais comment? Je rêvais de disques d'or, de platine ou de diamant, comme on dit souvent. Même dès le début, ça a commencé. Dès le début, ouais. C'était pas uniquement du je fais ça par passion à un moment. Bah si, c'est forcément de la passion au début, tu vois, forcément. Mais tu rêves d'avoir tout ce que le rappeur a. Tu regardes la télé, tu vois les Jay-Z, les 50, tout ça, tu rêves d'avoir tout ce qu'ils ont. Donc ça, c'était l'état d'esprit quand t'as commencé. Quand le premier son est sorti, a été balancé, à ce moment-là, tu penses à quoi? Le premier son en radio à Skyrock, je me rappelle, c'était Casquette à l'envers. Exact. C'est ça, hein, c'est Casquette à l'envers. Super content, grosse fierté et en même temps choc de m'entendre à la radio. Et voilà, c'est un plaisir, c'était un plaisir. Bon, quand est sorti ton premier album solo, c'est-à-dire il y a peu de temps, il y a quelques mois, 31 mars. T'imaginais quoi pour le futur de cet album? Tu disais, bon, je vais partir en tournée. T'imaginais 200 000 albums vendus? Non, j'imaginais, on visait minimum un disque d'or. Minimum, on voulait minimum un disque d'or quand même. Et là, ça a bien pris, donc c'est que du plus. C'est une fierté. Bon, et aujourd'hui, JR, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je voulais dire que j'étais vraiment fier de mon gars. Franchement, il a relevé le niveau. Il s'est tapé de ouf. Et on sait comment c'est dur la musique. Et franchement, il était seul. Tu vois, il était seul à taffer son album de ouf. Et franchement, il a fait une dinguerie, la photo. Moi, je suis super content de ce qui lui arrive en ce moment. Là, il est sur la route du triple disque de platine. Mm-hmm. Franchement, Inch'Allah. Applaudissez et faites du bruit pour lui. Bravo. Merci JR, mon gars sûr. Je veux la même pour la Vendetta. Voilà, et pour finir ce quiz futur, aujourd'hui, vendredi 14 novembre, le futur, tu l'imagines comment, Black M? Le futur, nous, on part en tournée. Donc, grosse tournée avec le Watibé. Mais à titre personnel, je sais pas, mettons, allez, on va dire que l'aventure Section d'Assaut a débuté il y a quand même quelques années de ça. Elle est dans une dizaine d'années, t'imagines quoi? Franchement, une dizaine d'années, c'est trop long. J'espère déjà être en vie et tous ceux que j'aime en vie aussi. Et en bonne santé. C'est ça que je vois. Tu vas rapper, être sur scène? Je sais pas, on verra. On verra. Produire des gens? C'est un truc qui te... Non, produire des gens, c'est pas trop un truc qui me parle. Après, moi, dans mon délire à moi, j'aimerais bien faire du cinéma. C'est vrai? Ouais, je te l'avais déjà dit en plus. Ouais, t'avais dit. Il y a eu des choses qui se sont passées. En 2015, il va y avoir quelques trucs. Je vais faire quelques apparitions normalement, dont je peux toujours pas en parler parce que je sais que toi tu veux savoir. C'était ma prochaine question. Ça va se faire normalement. Donc, 2015 sur grand écran, ou en tout cas en tournage. Je t'ai dit hier, on a eu Omar. Je suis le chemin de Omar Sy. T'as compris ou pas? Donc direction l'Oscar, le César là. Dans les années à venir. On va essayer. Mais toi aussi, t'imagines peut-être écrire des scénarios, des choses qui te plaisent, ou t'aimerais quand même? J'aimerais bien. Franchement, déjà rien que dans nos clips, on est super impliqués. Donc par la suite, pourquoi pas? Eh ben, ce sera à suivre. À suivre. À suivre pour les années à venir avec Black M. Dans un instant, on partira avec le Black Shady. Yes. C'est le morceau qui fait plaisir à JR et à plein de monde. Ça marche. Ça c'est mon morceau. C'est le morceau bien rap de la réédition photo. Moi j'aime trop ça, moi j'aime trop le rap. Bro. Black Shady d'ailleurs, on l'a pas vu du tout cette semaine, il est pas. Si, il est apparu de. Quelques fois. Moi j'ai vu que vous cherchiez Black Shady, ça fait une semaine, mais je le connais très bien, j'ai fait un son avec Black Shady. J'étais au studio, tu te souviens? Ouais, t'as vu. On se code. D'ailleurs, Black Shady, il veut venir en tournée là. Ouais, il emmerde beaucoup de gens. Il est relou, poteau. Pour l'instant. Pour l'instant, il est calme. Il est chiant. Donc laissons le calme. Et puis on écoutera le morceau avec Charlie. Et je vais balancer encore une exclue. On va balancer toute la réédition. Ce soir, on va passer plein d'exclus. Voilà, tout simplement. On a dit freestyle, mais non, on va balancer plus des exclus. On va balancer, des extraits. Voilà. Jusqu'à 21h dans Planète Rap. Bougez pas, on revient. Il y a votre freestyle aussi par téléphone après ça.

avec nous. C'est Black M. Sinon. Morceau Black Shady avec un instant un extrait de la réédition. Hein, ça sort le 17 novembre lundi. 17 novembre lundi. Dans les bacs. Lundi. Précommandé. Le lien iTunes est toujours disponible. Allez-y, allez-y. La grosse tournée Skyrock de Black M aussi près de chez vous ce soir. C'est à Clermont demain. Enfin demain non. Le 20 novembre à Montpellier. 21 novembre tu seras à Marseille. Yes. Avec un petit passage Marseille. À la Wattie Boutique. Mm-hmm. Grosse dédicace aux Marseillais qui nous soutiennent depuis un bon petit moment quand même. Franchement grosse dédicace aux Marseillais. Marseille, c'est le 21 novembre au Dôme, la tournée Skyrock Black M. Et tout de suite freestyle par téléphone avec Yanis de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va Fred ou quoi? Ça va et toi? Ouais tranquille Black, ça va quoi? Ça va et toi? Ouais tranquillement, on est là. Hein. Yes. Et bah bienvenue prêt à rapper Yanis. Ouais toujours. On t'écoute, session freestyle par téléphone, c'est parti. Ouais. Oh, ok, faire de l'ombre. Yanis F2L. Brrr. Bourcadabra. Ok. L'équipe reste la même. Oh, ok. Check. Oh. Ok. Oh. Ok. Baisse ta vitre, j'arrive en bas, je te baisse ta vie. En deux, trois balles, plus fort que moi. Faut encore prouver, percer dans le rap. J'y crois même pas, tu veux buter. Kirby, de but, la trap musique. C'est ce qui m'a plu, je fais du rap sale. C'est preux, mes jours, les rappeurs morts, on les compte. Mais plus c'est dans les bagues que j'assassine. Va les couilles de ta vie, ton vécu, ta ville. Quand je cherche dans la foule, plus personne répond. Parler sur mon dos, franchement c'est facile. Qu'est-ce que tu racontes pour la suite, tous. Un après l'autre, même si vous êtes tous. Je suis insolent, je sais, et je te baisse. On regarde dans la merde, et tu ça coule tous. Allez, nique ta mère. Si, avant que pas, tu fais lent, y'a un peu qu'une trace. Depuis que je suis dans le game, je suis toujours dans l'ombre. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, tes paillettes, tes traces. Rail de coke, tel est ton train de vie. Mais gros masse de l'équipe, en cul, faut qu'un fil. Le savoir, c'est peut-être une arme. Sauf qu'avant hier, il faudrait savoir qui tu vises. Faire de l'ombre depuis la naissance. Les anciennes techniques, je te nique ta mère dès le départ. Oula, me détrôner, bague trop marrante. Même trop départ, tu vois dans la coke, touche la sassine. Depuis que je suis tout petit, là, rap d'assassine. Pendant, tu t'es coupé, tombe à la scène. Les maisons disent ça, toute peur que je signe. Brrr. Yanis à l'instant en freestyle de Sartrouville, merci à toi Yanis. Lourd, lourd, lourd. Lourd, lourd, lourd. C'est Black Sorcier. Rappelle-nous où on peut te suivre Yanis, vas-y. Le Twitter c'est Yanis F2L. Instagram, Facebook pareil, la page officielle c'est Yanis F2L aussi. Mm-hmm. Le Facebook Yanis de l'ombre, j'ai fait un très très gros remix de Charisse de Sombre que Gradure a partagé, donc je fais un gros big up à lui. Mortel. Et voilà, le son s'appelle Dans l'ombre, il est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Et je pense que je vais balancer une exclue d'ici ce soir. Et ben merci à toi Yanis. Donc faut guetter ce soir. Voilà exactement. Passe une bonne soirée, on est avec Black M sur Skyrock entre 20 et 21. Charlie est là aussi. Charlie est là aussi, ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on va mettre ce morceau? J'ai bien envie de se mettre ce morceau. Charlie, comment ça va? C'est quoi le morceau? Quelles sont les nouvelles? Attendez. C'est quoi le morceau? Bah, tu vas découvrir. Tu m'avais dit que t'avais tout écouté. Tu m'as dit que t'avais tout écouté. Fred, on avait fait un arrangement. On avait dit qu'elle ne passait pas normalement. Pourquoi? Moi, non. Quel arrangement? Ah bon? Tu me mets dans des histoires. Attends, avec Charlie. Tu me trahis, Fred. Tu me trahis, Fred. Mais souviens-toi de cet arrangement. Rappelle-moi, c'est quoi l'arrangement? Non, c'est un morceau, il m'a dit bon, je vais faire un morceau avec toi, il va falloir que tu kicks. Donc je voulais la faire rapper. Voilà, donc j'ai essayé de faire le mieux. Mais pour toi, c'est pas un problème. Non. Bah, c'était une première expérience. C'est pas une première, t'avais rappé dans Jessica. Ouais, rappé, enfin rapoté. T'avais rapoté. Voilà, t'avais rapoté. Est-ce que tu te rappelles du morceau Bye Bye de Ménélik? Oui. Bah c'est le même esprit version exact. Version 2000 je te dirais bye bye 2015. On s'est clashé. Il y a eu clash entre Charlie et Black M. Exactement. JR, tu cautionnes ou tu cautionnes pas? Franchement, tu m'as trahi, Fred. Hein. Ok, tu cautionnes plus. Ah, je rigole. Non, franchement, ouais, j'ai écouté le morceau, tout ça. Franchement, il est marrant, tout ça. Bon, vas-y, de toute façon, on va laisser les auditeurs et tous ceux qui sont dans le studio. Ça, c'est pour tous les couples. Et voilà, c'est un morceau pour tous les couples. Et bon, on l'écoute, vous réagissez avec le hashtag Black M sur Skyrock. Yeah. 1. Vas-y, pose mon phone, s'il te plaît. Pose mon phone. Ah ouais, tu fais la jao, tu check mon phone. Viens pas me les casser ou je jette mon phone. Oui, je fais la jao, je check ton phone. Et si t'es pas content, bah vas-y, jette ton phone. Jette mon phone. Jette ton phone. Yeah, jette mon phone. Dis-moi c'est quoi ton délire. J'ai commis quel délit. Juste un SMS. Hein. T'as cru que j'ai les Kenny. Hein. J'ai vu tu fouilles mais peu ça. Wesh Miss Delic. t'es une vraie hystérique. Mais bien sûr que tu l'as kini, tu m'as pris pour une novice. Tu l'appelles sexy mamie et tu me dis que c'est ta cousine. Parce que tu me connais très mal, j'ai pas le temps pour tes bêtises. Avant que ça parte en festival, vas-y casse-toi voir ta groupie. Pourquoi tu se bois ah, pourquoi tu me fais pas confiance? Tu me fous la rage, t'en as pas gros sur la conscience. Petite boumara, tu fais que des bails d'inconscient. Juste attends, pour ma voix. Attends, fais-moi l'inconscient, non celle-là c'est la meilleure. Tu me parlais de faire des enfants et tu passes ton temps en after. Allez va voir tes potos et toute ta bande de losers. J'ai pas le temps pour tes mythos, ça y est, je les connais par cœur. Ah ouais, tu fais la jao, tu check mon fun. Viens pas me les casser ou je jette mon fun. Oui, je fais la jao, je check ton fun. Et si t'es pas content, bah vas-y, jette ton fun. Je jette mon fun. Jette ton fun. Je jette mon fun. Viens, on pense des copines, ces petites coquines. Je les ai vues dans une chicha vers la chapelle in the shadow. Avec des mecs chelous, ça se touchait façon que zou. Et puis qu'est-ce qui me dit qu'avec l'un d'eux, tu n'as pas chier coup. Bah viens, on parle ton poteau, je vais t'en faire un topo. Toi, mais sur Instagram, en train de liker mes photos. Mais toi, t'as jamais tilté, toujours là à me jeter. Tu fais le mec, oh, je vais, tu ne suis pas respecté. Ne parle pas de mes gars, ça c'est le genre de guerre qui pourrait faire des dégâts. Oui, pour te dire, cousine, ils pensent tous que t'es vénal. Je vois que tu t'énerves, oui, la vérité, elle fait mal. Dis-moi un peu vénal de quoi, je crois pas. Sors-moi un truc que t'as payé pour moi, crevard. Tu gardes ta thune pour bluffer tous tes gars en réfoir. Et tu me racontes ta vie, tu fais le beau gosse, vas-y, dégage. Ah ouais, tu fais la jao, tu check mon fun, hein. Viens pas me les casser ou je jette mon fun. Oui, je fais la jao, je check ton fun. Et si t'es pas content, bah vas-y, jette ton fun. Jette mon fun. Jette ton fun. Jette mon fun. Mais sur moi tu n'as aucune preuve valable. Je te le jure qu'il n'y a aucune meuf. Salade, je te croirais plus là, tu m'as brisé le cœur. T'es malade, bébé, là je crois qu'il te manque une case. Ah ouais, et moi je crois bien qu'il te manque une couille. Arrête, comment t'expliquer, tu me pousses à bout. C'est pas ça, je veux pas finir comme tu t'es vexé, que t'as vexé. Toi t'es trop dans l'excès. Et toi tu veux me tester. Mais non, je vais finir par tout avouer. Je suis mort dans le film pour renouer. De toute façon, vous m'avez tout saoulé. Tiens, prends mon fun, t'as qu'à fouiller. Et j'en ai plus rien à cirer. Fini tes bails, va t'amuser. Là, je suis déjà déconnecté. Un autre va vite te remplacer. Ah ouais, tu fais la jao, tu check mon fun. Viens pas me les casser ou je jette mon fun. Oui, je fais la jao, tu check ton fun. Mais si t'es pas content, bah vas-y, jette ton fun. Non, non, tu jettes mon fun. T'as pas compris. T'as vu l'expo que j'ai reçu? En fait, c'est mon pote, il est en train de parler avec son meuf. Mais moi, j'ai un arbre. Non, je te jure, je la connais pas. Mais bien sûr, tu la connais, arrête. Je te jure, arrête, je la connais pas. Je sais très bien que tu la connais, j'ai vu les textos. De toute façon, tiens, je te passe mon phone. J'en veux pas, ton téléphone. J'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux? J'en veux pas, je comprends pas, vas-y. J'en ai rien à foutre, toi. C'est moi qui en ai rien à foutre. C'est moi qui en ai rien à foutre. Je m'en fous. Allez, allez, allez. Je te jure, je la connais pas, c'est la copine à Dadju. C'est bizarre, hein, Dadju. Hein. Là, je m'y attendais. Toujours dans les bons coups. Hein. Et je voulais dire quoi il faut expliquer, je pense, aux gens ce que ça veut dire Jao. Parce que je pense que oui, Jao, ça veut dire commère. J'allais venir. C'est vrai, t'as raison. Ça veut dire commère. C'est une expression de Paris. Fais pas ta Jao. Fais pas ta Jao, c'est. Voilà, c'est. Fais pas ta commère. Fais pas la Jao. Tout simplement. Fais pas la Jao, Charlie. J'adore le calme à chaque toi, fois de Charlie. Jao. Toi, tu vas rester calme, non, sinon. Jao, Jao, Jao. Ouais, c'est vrai. Elle garde son sang-froid. C'est vrai que Charlie, t'as toujours une espèce de calme non, absolu. C'est ça, ouais. Parce que. Au milieu de tous ces garçons, tout ça. C'est la force tranquille. Est-ce que tu sais que le EP de Charlie sortait. Oui, je sais quand il sort le 1er décembre, un EP digital même. Voilà. C'est déjà en précommande là. Et en plus de ça, excuse-moi de te couper la parole, frère. Vas-y. Pas fait de boucan pour Charlie. Le EP de Charlie, il sort le 1er décembre. Ça sort le 1er décembre. Ça sort le 1er décembre. Ça sort le 1er décembre. Ça sort le 1er décembre. Ça sort le 1er. Yeah. Et il faudra aller cliquer parce que c'est un EP digital qui arrive. Digital, voilà. Il s'appelle C'est comme ça, t'as pas dit le titre. Mais. Combien de titres? Qu'est-ce que vous avez contre moi la soirée d'hier? Il y a un complot, il y a un truc? Un peu fatigué. Je m'occupe que de Charlie. On a envie de l'agresser. On a envie de t'embêter. Je m'occupe que de Charlie, je vous parle plus. De Joe. Vas-y, vas-y. Non, Charlie, donc voilà. Ça sort le 1er décembre. Il y a combien de morceaux? Alors, c'est un EP, c'est un. Il y a 8 titres. Il y a 8 titres. Voilà, et il y a 2 titres que j'avais déjà fait avant qui étaient sur internet. Et ensuite, ça va être que des nouveautés. Et il paraît même. T'as pas une petite exclue, voilà, que tu es venu avec une exclue totale. Exactement. Donc c'est Pourquoi tu m'appelles pas, un morceau que j'ai fait avec mon jeune homme qui est à côté de moi, Dadju. Tu me dis de jeter mon phone. Et ouais, alors attends, suite, en fait. C'est la suite ou c'est le début? Et oui, après jette ton phone, tu nous dis jette ton phone. C'est dans quel sens qu'il faut prendre le morceau? C'est le début, on va dire. C'est avant, ouais, c'est avant le jette ton phone. Donc ce morceau qu'on pourra retrouver le 1er décembre, JR. Le 1er décembre. Le 1er décembre. Voilà, on va le retrouver. Et on va l'écouter c'est maintenant. Moi, tu l'as écouté toi JR ou pas? Black M, vous l'avez écouté? Ouais, Dadju, je l'ai écouté. Ouais. Forcément. Dadju, ouais, moi, franchement. Ouais, je l'ai écouté. Pour l'avoir écouté, forcément. Franchement, Dadju, grosse performance. Ouais. Franchement, et je l'ai écouté. Mais mieux que Charlie ou moins bien que Charlie, Dadju? Non, moins bien. Franchement, il s'est fait frapper. Hein. Ouais. Non, je rigole. Non, franchement, plus sérieusement. Franchement là sur ce morceau là il m'a vraiment étonné Dadju. Il a vraiment performé tout ça, il a fait du sale. Et ben, comme on dit chez nous, il a fait du sale. Est-ce qu'on peut le balancer? C'est parti, ouais, avec plaisir. C'est pas un extrait là, on le met en entier. En entier. Black M, en entier. Chiap. C'est shady. Bon, balançons-le et on voit en cours de morceau. HQ quand tu veux, c'est extrait du EP qui sort le 1er décembre pour Charlie Bell. Yeah. On se parle pendant des heures, tu dis que tu kiffes mon swag. T'es tombée sous mon charme, dès que t'as croisé mon regard. Juste un peu réticente, mais je t'écoute quand tu me parles. Tu me dis que t'es prêt pour commencer une histoire. Mes potes me disent attention, tu n'es rien plus qu'un player. Que tu veux juste mon mot, tu rien de plus, t'es un loser. Tu me dis que c'est pas vrai que t'étais comme ça avant. Et 1er décembre, c'est comme ça. Tu te sens prêt pour du changement. Mais là tu vois, je check mes SMS. Pas le moindre appel de ta part, qu'est-ce que tu fais? Mais là tu vois, je check mes SMS. Pas le moindre appel de ta part, putain tu vexes. Si moi pourquoi tu m'appelles pas? Putain pourquoi tu m'appelles pas? Dis-moi pourquoi tu m'appelles pas? Putain pourquoi tu m'appelles pas? Oh oui je check. Je me dis qu'il faut que je me calme, je me fais passer pour une folle. Mais putain là je suis verte, j'arrive pas à doser. Je t'appelle en masque et là tu réponds. Je suis trop grave. Moi je te pensais sincère, je digère pas, je fais trop pitié. J'agis comme une imbécile, je perds ma crédibilité. Faut que je me fasse à l'idée, je prenais mon temps, t'as pas kiffé. Ah ouais. Et malgré tout en vrai, j'espère que tu vas me relancer. Je sais pas. Mais là j'avoue, je suis faible. Ah. Je pète un câble en spread. Ah ouais. Yeah. Peut-être un câble en spray. Beaucoup plus fraîche que toi, mais tu te la ramènes avec moi. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Le 1er décembre. Tu t'attendais à quoi quand je te disais que j'avais pas le temps? Tu t'engages dans un combat sans fin, t'es déjà perdant. À quoi ça te sert d'insister? Dans ce cas-là, ça devient navrant. Continue d'espérer si tu t'attends à des changements. C'est vrai que j'avais promis de viser la lune pour toi. J'avais qu'un lance-pierre en main, t'as fait semblant de pas le voir. Tu me donnais tout direct et je te freinais à chaque fois. Quand c'est trop facile, j'ai tendance à délaisser ma Dadju. Tu dis partout que je t'enfilerai la barre. Vos doigts sans m'avoir consulté. Sûr de toi parce que généralement les canards te canardent de gonfler. J'ai mauvaise réputation depuis petit. Sous le pays, je suis vu comme celui qui est pauvre. Je ne fais confiance qu'à mon reflet. Tous les négueuses ne sont pas comme moi, je te rassure. Y'a des bons, des mauvais partout. Ce monde n'est pas fait d'ordure. Ne généralise pas sous prétexte qu'un homme est tordu. Ta blessure cicatrisera avec 2-3 points de suture. 1er décembre, j'espère que tu m'as bien compris. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Les gens comme moi sont bon café. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Charlie, oh oui, tu n'as qu'à check. Oh oui, je sais que tu check. Oh oui, sans arrêt ton téléphone. Oh oui, tu n'as qu'à check. Oh oui, je sais que tu check. Oh oui, sans arrêt ton téléphone. Dis-moi pourquoi tu m'appelles. envie d'applaudir, hein. C'est la sortie, c'est une exclu totale. Exclu totale. Où on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur Dadju. Vous avez dit, hein. Non, c'est. Je suis. C'est un personnage, toi aussi. Tu vois, ouais. Moi, je suis très gentil. Très calme. Très calme. C'est là ce que tu devrais dire, là, quand je dis tout ça. Je veux dire. Oh, voilà. C'est ce que tu devrais dire, c'est en effet. Juste ça, gros. Non, mais franchement, plus sérieusement. Là, plus tu vas te justifier, plus parole. C'est mort. Je te coupe la parole. Comme je disais tout à l'heure. Franchement, grosse performance de mon gars Dadju. Applaudissements. Oui. Mais non, franchement, je peux dire un mot. Ce son, c'est vraiment un son. C'est moi carrément qui ai demandé à Charlie de poser dessus parce qu'elle avait déjà, fait un couplet. Il y avait le couplet, le refrain. Il y avait même deux couplets, trois couplets même. Le son, il était fini. Elle a dû enlever un truc pour moi. Je voulais une réponse. Ouais. Parce que je le sentais bien le truc. Je le sentais bien. Et j'avais jamais vraiment testé un son. J'avais jamais vraiment testé un son comme ça. Et je voulais essayer. Et comme le son, il me parlait, il était super lourd déjà même sans moi. Il t'a inspiré, on a entendu les paroles. Il m'a inspiré un petit peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est du vécu. Lourd. Je pense qu'on va le sortir plusieurs fois celui-ci. Ouais, c'est un personnage. Et donc je répète, ça sort le 1er décembre. Donc 1er décembre. Voilà, qui est déjà dispo en précommande. Il y a la précommande déjà, donc ce son, vous pouvez déjà commencer à cliquer. À cliquer sur ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Sur cette dope, man. Tu vois, vous pouvez cliquer sur cette putain de dope, man. Et vous pouvez cliquer comme des dingues et retrouver donc Charlie Bell avec ses 8 titres inédits. Voilà. Le 1er décembre dans les bacs, dont celui-ci. Merci en tout cas pour l'exclu, Charlie. Merci à vous. Avant de se quitter ce soir, je me retourne vers Black M. Je suis là. Et alors, je sais pas si tu veux une collégiale, demande à tout le monde, il faut choisir un dernier son. Non, mais le son il est déjà là, choisi. C'est un moment important puisque c'est le dernier son de ce Planète Rap avant la sortie. Le son il est déjà lundi. Choisi, c'est le son le plus boucan de la réédition. Voter, Fred, oui. le morceau. Le projet de Charlie Bell est en précommande. Essayons, on l'a dit. Non, on l'a déjà dit. Non, mais on le redit. Faut le redire. Jeff, il m'a dit, faut le redire, je le redis, je m'en fous. Voilà. Merci Linso, c'était la petite page de pub. Merci Linso. Black M, on revient donc vers toi sur le morceau qu'on va balancer. Le morceau, je te disais que c'est le morceau le plus boucan de cette réédition. C'est un featuring avec Abou Debeng et mon gars sur Stan E Music. Le morceau s'appelle Tout le monde me connaît. C'est aussi une Debengerie. Ouais, il a fait une Debengerie dessus. Et tu vas découvrir mon gars Stan dessus. Un gros son. En fait, ce qui est marrant pour ce son, c'est qu'en fait, un jour, j'ai emmené Black sur la capitale. Il a passé une soirée en fait. Avec moi. Il est rentré sans me rien dire. Le lendemain, il est allé au studio. Il m'a appelé. Il m'a dit, viens, j'ai un nouveau son. À cause de lui, en fait. À cause de lui. Donc, il est né comme ça. Je vais t'expliquer. J'étais dans ce truc, dans cette soirée. Dédicace à la team. Et j'ai remarqué que tout le monde connaissait Debeng. Mais tout le monde connaît Debeng. Le mec, il passe pas à la télé, bah, tout attends, ça, mais tout le monde le connaît. Avec un pas de danse comme ça, on peut que le connaître. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire le son, tout le monde me connaît. Je me suis inspiré de Debeng, tout simplement. C'est lui qui m'a inspiré ce morceau. Et on salue Charlie qui nous quitte, qui doit être certainement, qui doit avoir un rancard, puisqu'elle nous quitte tout de suite. Donc on te laisse partir. Ouais, allez, voir ton phone, tiens. Comme je l'ai pas appelé et qu'elle a dû jeter son phone. Elle est partie. Merci. Premier décembre pour Charlie Bell dans les bacs. Et là, on écoute donc ce morceau. Yes. Abou Debeng est là morceau Stan inspiré et... par l'histoire d'Abou Debeng et de ses fameuses sorties nocturnes. Fameuse vadrouille dans la street zère. Grosse dédicace à mon gars Trafic. Allez, on le balance. C'est parti. 1. Oh. 17 novembre dans les bacs. Hey. Ouvre bien tes oreilles, ma. Tout le monde veut faire le youf, mais le youf lui n'est pas du tout dans l'ambiance. Y'a mes rebeux, passeport qui te fait glisser dans la toi pour entrer méga vacances. Compte sur moi. Si tu veux des tailles doux pour remplir la bleuta, j'ai le billet facile. Compte sur moi. Si tu pètes un blocage sur la cambrure de ce cas vu pour le numéro, tu comptes sur moi. Si t'es en manque de pas, jette un oeil sur la piste et tu verras les négros. Compte sur moi. Tu m'as sûrement déjà vu dans la capitale. Yeah, yeah. De la street au star, tout est radical. Yeah, yeah. C'est du business boy, rien d'amical. Elles veulent soutirer le vif de l'animal. Ok, tu te calme quand il faut. Hein? Mais je peux te battre. Vas-y, le faut. On est ensemble, je te le promets. Fais comme chez toi, ici tout le monde nous connaît. Ce soir, je suis un malade. Je fais comme si je connaissais personne. Mais tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Je peux pas m'empêcher de casser la démarche. Lui qui me casse les couilles, je le démarre. Regarde, tout le monde aïe, me connaît. Aïe, aïe, aïe. L'entrée de Mangin Stan. Si écoutez ça, c'est le futur. Le futur. Le futur. Sans même le savoir, tu me connais. Stan et musique, sois pas étonné. Plaque M, laisse-moi les cogner. Je vais leur faire du salage, je vais retourner Paname. Préviens tous tes gavages, je fais des sons qui fracassent. T'as vu bouger ton regard, sur mes sons. Comment ça, tu connais pas mon nom? Stan et musique, que va dire, il est trop tard. La conque va se perdre dans mon monde. Stan et musique, Magnum pour tout clair. Oui, j'ai le bif et les filles et ma clique dans le vif. On a tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Novembre, la réédition. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. J'ai dit, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Je suis un malade. Tout le monde me connaît. Lundi, allez le chercher. Le lien précommande sur iTunes. Big Black M, tout le monde me connaît. Yeah, gros, mec, tout le monde gros, me gros connaît. Morceau celui-ci. Par rapport à ça, JR. Hey, je l'avais jamais écouté. Je me suis mangé une pêche dans le nez, poto. club, ça c'est club. Saigné du nez là, poto. Ça c'est ouais, ambiance club inspiré par Abou de Bang. Ouais, voilà. Quand tu suis bien s'amuser sur scène, hein, en tournée avec celui-là. Tu sais quoi, bien s'amuser. Et avec Stani. Voilà, ouais, Stani, mon gars. Comme je disais, son projet arrive très très bientôt. Pour 2015. Pour 2015, il a fait énormément d'instru durant le parcours de Section d'Assaut. Gros talent, vous allez voir. Et bon, on suivra ça en tout cas. Merci pour cette belle semaine, Black M. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Merci à toi, Fred. Skyrock t'offre des bons d'achat de 50 euros, plus ta nouvelle compil Planet Rap 2014 Volume 3. Avec Mohamed de Lyon, salut Mohamed. Salut Fred, salut Black M. Ça va bien, Mohamed? Yeah. Ça va. Super. Bienvenue, tu es prêt à tourner la roulette en ce week-end. Là, ça y est, c'est parti. En ce vendredi soir. C'est parti avant le week-end. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. Et ben voilà Mohamed, c'est fait. Pour bien commencer le week-end, il y a 50 euros en bon d'achat qui arrive avec la compile Planet Rap 2014 volume 3 chez parfait, toi, parfait, du parfait, côté du 6-9 à Lyon. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute Mohamed. Bah, mes enfants qui sont particulièrement fans de Black M, à Wassim et Sohan, et ma femme et Kamel et Rachida et toute l'équipe du Wattibé. Et bah, gros bisous à toute la famille. Merci à toi Mohamed. Merci. Black M, merci, j'ai envie Fred, de te dire bonne chance, hein, merci autant beaucoup. De succès que la première partie de l'album avec cette réédition. Merci beaucoup, bah, on espère aussi. Très et bonne puis, semaine. Et puis dans quelques minutes sur scène à Clermont, généralement avant de monter sur scène, c'est quoi? Tu te mets dans un coin particulier, t'as besoin d'une concentration particulière? Rien de tout ça, on est tout le temps en train de se charrier. On fait rien, on charrie, on bouffe et on c'est bouffe. Fou, on a quelques. On a du riz entre chicots. Bœuf taille, Mikey. Tiens, dédicace à tous ceux qui sont là en tournée avec nous. Et la Tifa. Et bah Tifa, bravo en tout cas pour cette réédition parce que c'est carrément un EP, en tout cas un mini-album. Ouais, j'ai essayé de donner du contenu et je suis content, je suis satisfait. Et ça sort lundi, toujours en précommande. Lundi, tu seras à la Wattie Boutique à 16h. À partir de 16h, ouais. Le 21 novembre à Marseille. Avant le Dôme, tu seras à 15h à la Wattie Boutique de Marseille. Exactement. Et merci à vous tous, à Bout de Bang. Merci à HQ qui était là, qui nous a accompagnés toute la semaine. Je remercie tous ceux qui soutiennent le Big voilà. Black M et je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent. Qui sont là avec moi en tournée partout avec moi dans les studios, la section d'assaut à Bout de Bang, l'institut, tout le monde, le Big tout Black le monde. Dawala, merci Dawala. J'ai juste un truc à dire avant de partir. V comme Vendetta. Et ça arrive. C'est la suite. V comme Vendetta. Salut Doumams. Ça arrive. Gros projet. qui arrive, printemps 2015, et dédicace à mon gars Doumans qui est en studio en ce moment là, qui est en train de découper des prods. D'ailleurs, je vais aller le rejoindre là. Et ben, bah, allons découper. Eh gros, attends moi gros, j'arrive là. Ça arrive. Découper merci des prods, Black M, merci à vous. Lundi dans les bacs, lundi dans les bacs. Et tout de suite sur Skyrock, c'est dit full. Oui. C'est parti, la radio libre. Eh ouais, Fredo, c'est parti. Merci Black M. Black M qui est passé hier soir, super, là, il file à Clermont. Ouais. Direction Clermont-Ferrand. Avec le Wattie Jet. Avec le Wattie Jet. Pas mal le Wattie Jet. Le Wattie Jet est pratique. Bien, Fredo. Bah ouais, et vous? Est-ce que ouais, ça va bien? Est-ce que tu veux faire une expérience paranormale? Tu veux pas qu'on t'hypnotise pendant l'émission? Parce qu'on a des hypnotiseurs qui sont venus, on les avait eu il y a 15 jours non, au téléphone. Non, ça me fait flipper. Ça allez, si, après. J'ai peur, après, vous me foutez à poil. Oui, oui. T'inquiète pas, je suis là. Fredo, la caution. Regarde cette bouteille, Fredo. Devine où elle va finir. Dans. C'est con. Non, mais j'ai vous regardé. Hypnotiser, c'est bien. À faire de l'hypnose, soit. À faire des saloperies. Si vous avez déjà fait des trucs un peu surnaturels, vous nous dites. On en avait parlé pour l'émission, enfin, juste avant la semaine de. D'Halloween. C'est vrai, ouais. Bon, ils sont là, nos hypnotiseurs. Ils sont venus nous voir. Attention. Ça, c'est marrant. Et le match de foot, on va essayer d'hypnotiser les Albanais. Pour l'instant, 0-0. 0-0. 8 minutes de jeu, pratiquement. Dans 15 secondes, on sera à 8 minutes. Allez, les bleus. Et enfin, un petit point. Dites-nous d'ailleurs si vous avez maté le début du match en écoutant Planet Rap. Je sais qu'il y en a plein qui écoutent la radio et qui se font le match. Comme ça, ça évite les commentaires. C'est mieux, d'ailleurs. Jean-Pierre. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est un peu plus vif. Planet Rap à fond la caisse, le début du match. Et Radio Libre à fond la caisse et la suite du match. Ce qui est largement mieux. Exactement. Et nous, on suivra ça avec vous. Donc, dites-nous comment ça se passe pour les Français pour l'instant. Et puis, pour tout le reste, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Et vous avez une nouvelle du tigre? Non, c'est un chat. C'est un chat sauvage. Je sais que dans le monde entier, ils en ont parlé. C'est ce truc-là, un chat sauvage. Je suis allé voir les journaux anglais, ils en parlent. Je suis allé voir les journaux italiens, ils en parlent. On va encore passer pour des cons. Ah, ben ça, c'est clair, là. C'est clair. Après les clowns. Déjà qu'on passait pour des cons avec l'histoire des drones. Et des drones aussi, ouais, c'est vrai. Parce que le monde entier en a parlé, des drones. Et bien, maintenant, c'est l'histoire du tigre qui est en fait un chat sauvage. Un chat sauvage, quoi. Voilà, un petit chat sauvage. En plus, on a regardé la photo, on a dit on dirait un chat roux quoi. Ah bah c'était un chat. On s'est pas trompé. Bah c'était ça. Bon, on se met un petit Sopra, vous voulez lequel? Cosmo ou tiens dites-nous, tiens vous allez choisir. Tu veux lequel Fredo? Cosmo. Ah, un jour le choix est difficile. Fresh Prince. Moi je veux ça moi. Fresh Prince. Ouais, c'est le week-end, c'est Fresh Prince. Fresh Prince pour la Marie. Allez Fresh Prince. Je suis d'accord. Ah bah vous aussi, Fresh Prince, Fresh Prince. Allez, c'est parti. Bah voilà. On y va, Fresh Prince, c'est parti, juste après une petite minute de pub et on arrive. Jusqu'à minuit, c'est Radio Libre et on vous attend en direct. Salut Fredo, à tout à l'heure minuit d'ailleurs. Ah bah oui, grosse nocturne qui se prépare. Eh bah on n'oublie pas la nocturne. Avec un projet rap Ghetto 2, il y aura notamment L.I.M. qui sera dans le coin qui traînera. Donc, L.I.M. le retour. Ouais. Donc voilà. Romano. Ça va Fredo? Mais t'es où Romano? Je suis en train de l'hypnotiser. Dans le studio Planète Rap. Ah, il veut faire son freestyle avec toi, Fred. Tu fais un freestyle? Un freestyle de qui? Bah de Gigo. De qui? Vas-y, chante. Chante. Fais ton Planète Rap, Romano. Attends, je l'hypnotise. Chante, Romano. Fais ton Planète Rap. Ah oui, Fredo. Mais toi nu maintenant, Romano. Ouais. Non mais. Ça va bien, bon, je vais. Mais tu me caresses la cuisse. Bah ouais, tu l'excites. Bah oui, tu l'as hypnotisé. Ah, je vous le renvoie. Ouais, merci, c'est sympa, Fred. Merci. Merci du cadeau. Allez, c'est parti pour la Radio Libre avec Fresh Prince. Cosmo. Cosmo, c'est l'album. Ouais. Fresh Prince, c'est le son. Et Soprano, c'est l'artiste. Et d'ailleurs, il est en concert aussi ce soir avec Skyrock à Rouen. À Rouen, au 106, je crois. À Rouen. Eh ben, on l'écoute. On en profite, nous aussi. Allez, remettez les glaçons. Allez, on remet des glaçons. C'est parti. Ciao, à tout à l'heure, Fred. À toutes. Oui, à tout de suite.